Les petites histoires de Telming. Coucou les enfants, c'est aujourd'hui que l'on va écrire notre deuxième histoire. La semaine dernière, je vous ai demandé si vous aviez envie d'écrire la suite des aventures de Zélie et sa mamie, ou si l'on devait écrire une autre histoire. Et le résultat a été sans appel. Zélie et sa mamie sont les grandes gagnantes avec plus de 80% des votes. Mais dans quelle aventure vont-elles embarquer? C'est à vous de le décider. Cette fois, vous allez devoir choisir deux choses. Un événement majeur qui va lancer l'histoire et des obstacles à surmonter. Comme d'habitude, rendez-vous sur telming.com/lph pour voter. Côté événement, vous aurez le choix entre le kidnapping de la mamie de Zélie, un virus qui rend les enfants sages comme des images, le sucre qui se transforme en sel, c'est la fin des bonbons et des gâteaux, la disparition de l'imagination. Résultat, impossible de créer des histoires ou des inventions. Pour les obstacles, vous aurez 5 choix. Je vous laisse les découvrir sur mon site. Et comme je sais que vous êtes des experts et des expertes en idées farfelues, vous pourrez me proposer des obstacles que vous aurez inventés. Rendez-vous sur telming.com/lph, telming.com/lph, pour me dire quel événement vous plaît le plus et choisir les obstacles que Zélie et sa mamie devront surmonter. J'ai trop hâte de lire vos réponses et de commencer à écrire. Je vous embrasse et je vous dis à mardi prochain.